Soir bleu est daté de 1914. Réalisé après un dernier séjour de Hopper en France, c'est la seule œuvre du peintre dont le titre est en français. Cette huile sur toile est conservée au Whitney Art Museum de New York. Elle fait presque un mètre de haut sur 2 mètres de large, un format double carré s'ouvrant à nous comme un panorama. Des gens sont assis autour de 3 tables sur la terrasse d'une guinguette. C'est la fin du jour. La terrasse et le paysage derrière la balustrade sont dans la pénombre du crépuscule. Des lanternes chinoises colorées dispensent un faible éclairage. Le paysage se réduit à une ligne d'horizon ondulante qui court sur toute la largeur du tableau, le séparant en deux. Bleu-gris en haut et bleu foncé en bas. Notre attention est tout de suite attirée par un des 3 personnages assis à la table centrale. C'est un Pierrot à l'attitude songeuse. Son costume blanc détonne dans cette lumière crépusculaire. Il fume. Son visage et son crâne blanchis à la céruse ont un aspect grisâtre. Sa bouche, agressivement soulignée par le rouge à lèvres, reste figée dans un sourire artificiel. Son regard absent fixe la table. 2 autres hommes sont assis avec lui. Un militaire de dos et un peintre reconnaissable à son large béret noir qui lui couvre la moitié du visage. Derrière cette table centrale, une prostituée au maquillage outrancier et à la robe largement décolletée est debout près de la balustrade. Une fine colonne grise isole le tiers gauche du tableau. Un homme y est assis à une autre table. Il est tourné de 3/4 vers la gauche. Il porte une casquette de marin, la cigarette au coin des lèvres, il semble sourire. Il incarne le maquereau. À droite, un couple bourgeois est assis à une 3e table. L'homme en smoking, de profil tourné vers la gauche, ne prête aucune attention à la femme qui est devant lui. Dans cette œuvre, le peintre évoque quelques figures de la société française de l'époque. Un maquereau, un militaire, une prostituée, un couple bourgeois, un peintre et un Pierrot. Les visages sont fermés, personne ne parle, il y a une forte impression d'attente. Hopper s'est représenté dans le rôle de Pierrot. Comme lui, il est l'observateur désabusé d'une société en perpétuelle représentation. Heureux comme peintre en France. De Paris, où il séjourne à 3 reprises, en 1906, 1909 et 1910, Édouard Hopper adresse à sa mère des lettres dans lesquelles s'exprime un bonheur de vivre qu'il dit n'avoir jamais éprouvé jusqu'alors. Soir bleu, qui emprunte son titre à un poème de Rimbaud, Sensation, dit le plaisir du vagabondage, la richesse du monde sensuel, l'abandon à l'amour associé par Hopper à ses séjours parisiens. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé l'herbe menue. Œuvre des plus singulières dans la production de Hopper, Soir bleu est sans antécédent et restera sans postérité. En 1906, lorsqu'il est confronté aux toiles de Courbet, Hopper y découvre bien davantage que l'origine du réalisme enseigné par ses professeurs à la New York School of Art. Le titre donné par le peintre d'ornant à son autoportrait dans son atelier, l'atelier du peintre, allégorie réelle qui conjugue l'impératif de réalisme avec le souvenir de l'ancien ordre symbolique, sonne comme le programme que Hopper devait bientôt fixer à son art. De même que l'atelier de Courbet, Soir bleu rassemble autour du peintre, ici en figure de Pierrot, les personnages qui symbolisent les différents ordres de la société, ses vertus et ses vices. Hopper restera toujours attaché au monde des correspondances, aux figures chiffrées qui peuplent les œuvres des poètes symbolistes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Confronté au matérialisme de la société moderne américaine, il donnera à ce monde de métaphores le cadre de banales chambres d'hôtel, de salles de spectacle, d'images dont le réalisme apparent occultera le sens allégorique. Les années parisiennes. À son arrivée à Paris en 1906, Hopper visite le salon d'automne au Grand Palais. Malgré le manque d'enthousiasme que lui inspire l'exposition, certains des artistes présents exerceront une influence aussi discrète que durable sur son œuvre. Les quais de la Seine d'Albert Marquet, les cafés, le monde du spectacle peint par Edgar Degas ou Walter Sickert, les femmes méditatives concentrées sur leurs travaux domestiques de Félix Vallotton réapparaîtront dans ses tableaux ultérieurs. Les Français sont malingres. Après avoir noté avec amusement les particularités physiques qui distinguent les Français des Américains, Hopper s'attache à la représentation des différentes figures typiques de la vie parisienne. Ces personnages, souvent burlesques et hauts en couleur, ne sont pas sans rappeler les figures des caricaturistes et illustrateurs français Daumier, Forain, Guillaume, dont Hopper rapportait les albums de ses voyages à Paris. Paris est une belle et élégante cité, presque trop charmante pour pouvoir être appréciée comparée au désordre brutal de New York. Les Français, pour la plupart d'entre eux, sont de petite taille et malingres. Vous ne verrez pas ici, comme c'est le cas sur Broadway, des jeunes gens athlétiques à la carrure puissante et bien charpentée. Pourtant, les Français doivent dissimuler la marchandise d'une façon ou d'une autre, puisque nous savons qu'ils sont prêts lorsque l'occasion se présente, en dépit de leurs barbiches et de leurs souliers pointus. Écrit Hopper à sa mère les 26 et 30 octobre 1906. La peinture et son double. Portrait de l'artiste en saltimbanque. La figure centrale de Soir bleu, clown ou Pierrot, se veut une représentation de l'artiste. Dès le XVIIIe siècle, clowns et saltimbanques, marginaux et bohémiens, peuplent l'imaginaire des artistes. Protagonistes même du spectacle et de l'illusion, ils font aussi de ces personnages leur alter ego. Par cette identification ironique, les artistes interrogent l'art et sa place dans la société, évoque le rôle que joue l'homme dans la comédie du monde. L'allégorie réelle, forgée par Courbet pour rendre compte du sens de son atelier du peintre, l'allégorie réelle joue sur les contraires, supposant la représentation simultanée d'une chose réelle et d'une idée abstraite. Sur un mode désabusé, Soir bleu rend compte du rôle, de la place de l'artiste, comme l'avait fait Courbet dans son grand atelier. Le peintre y figure, face à son alter ego, un clown blanc, héritier du Gilles de Watteau. À ses côtés se tiennent un militaire et une fille de joie. De part et d'autre de ce groupe apparaissent un maquereau et un couple de bourgeois. Courbet s'était peint entouré de poètes, Baudelaire, de critiques, Champfleury, d'amateurs du monde de l'art, mais aussi de mendiants et de travailleurs, représentant par ses figures la société dans ses intérêts et ses passions. Soir bleu évoque le paradis perdu des sensations parisiennes, celui d'un temps d'innocence, des rêves chimériques, l'illusion d'une bohème artistique révélée à Hopper dans les œuvres des poètes symbolistes. De retour dans une Amérique soudain soucieuse de promouvoir un art en accord avec son génie national, l'artiste sera, non sans peine, contraint de renoncer à ses rêves parisiens.